Waouh, c'est grave tout ce qui se passe en France avec les grèves dans tous les domaines là. Même le service public, la radio là est en grève. Un peu difficile d'avoir des infos malgré que on fait tout pour ne pas donner ces infos. Évidemment, faudrait pas qu'on croie ailleurs que ça marche de se mobiliser, de faire la grève. Mais ce serait trop génial que la Belgique s'y mette en même temps, là, vous voyez? Le chaos, le chaos, le chaos total. Bon, avant d'écouter ce micro ouvert, on s'écoute Franck Lepage un petit 6 minutes. Si tu ne raisonnes plus qu'en termes de contrat entre des personnes, tu peux plus penser la notion de bien commun. Le projet de l'Union européenne est un projet totalitaire. Je suis extrêmement clair avec ça. C'est un projet totalitaire marchand, c'est-à-dire c'est un projet qu'on appelle néolibéral parce qu'effectivement il prend sa source chez une bande d'intellectuels américains juste après la Deuxième Guerre mondiale. Qui est un contre-projet à ce qui est en train de se mettre en place avec l'ONU, avec etc. Après 45, on met en place des grandes politiques publiques, des grands services publics pour qu'il n'y ait plus jamais ça. C'est-à-dire, on essaie de réguler le capitalisme avec un gars qui s'appelle Keynes. Au même moment, se met en place une contre-révolution, c'est-à-dire une petite clique, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, des gens comme ça, vont théoriser le contraire, c'est-à-dire une société dans laquelle il n'y a plus du tout de service public. En partant de l'idée, dont on peut discuter par ailleurs philosophiquement, pourquoi pas, qu'une société dans laquelle tous nos rapports seraient des rapports marchands réglés par un rapport contractuel, si tu veux, serait une société en paix. En gros, c'est ça l'idéologie néolibérale, c'est que si on ne veut plus de guerre, c'est le marché, si tu veux, qui régule le mieux ça. Et donc ils vont théoriser une société débarrassée de toute forme de service public, donc de toute forme de bien commun. C'est le bouquin de Michéa que je suis en train de lire là-dessus, dans lequel il montre que si tu ne raisonnes plus qu'en termes de contrat entre des personnes, tu peux plus penser la notion de bien commun. C'est-à-dire que par exemple, que François Pinault qu'il ait 65 milliards d'euros, ou qu'un joueur de foot se vende 100, 200 millions. Du point de vue néolibéral, du point de vue du rapport contractuel entre des gens, ça ne pose pas de problème, d'accord? Du point de vue du bien commun, ça pose un problème moral. C'est-à-dire que tu es capable, toute personne est capable de, est fondée à dire, il y a un truc qui va pas dans le fait que quelqu'un puisse gagner autant d'argent, d'accord? Mais ça ne peut être que fondé sur une conception de la société où il y a le sens du commun. Si tu enlèves ça, c'est le projet néolibéral, s'il n'y a plus que des rapports de contractuels intra-individuels, ça ne pose pas de problème. Et donc le projet de l'Union européenne, c'est une société totalement débarrassée de toute forme de service public. Pour faire passer ça dans les esprits, il faut un travail de manipulation conséquent et ça va passer par le langage. La langue de bois dans laquelle on est engagé, au moins depuis la fin des années 70, grosso modo, on fait dater ça à Reagan et Thatcher. Après Tony Blair, et puis en France, Jospin, Mitterrand, toute la bande. Faire accepter ça dans les opinions publiques, ça suppose un travail de l'opinion publique, qui en France est mené par un think tank ultralibéral qui s'appelle l'OCDE, qui va fournir aux hommes politiques des éléments de langage pour faire passer ça. Par exemple, actuellement, vous avez une destruction totale de la formation professionnelle en France. Le nom de la loi qui met ça en œuvre, c'est la loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. C'est un langage qui paralyse la pensée. C'est-à-dire que si tu travailles pas ça, si t'es pas payé pour être intellectuel, bah t'as pas grand-chose à opposer à une loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. C'est chouette. T'as rien à dire à la démarche qualité. C'est bien la qualité, t'as rien à dire à l'autonomie des universités, à l'harmonisation des diplômes, enfin toutes ces jolies choses. Le vivre ensemble, tu vois, des trucs comme ça. Il y a une offensive intellectuelle, il faut vraiment le comprendre ça, parce que les gens se disent non, non, ça c'est complot. Pas du tout, je veux dire, vous avez le livre de Case Dixon qui s'appelle Les évangélistes du marché, qui montre très très bien comment c'est organisé, par où ça passe, quels sont les lieux, quels sont les endroits. C'est un livre très sérieux. Et donc il y a une offensive idéologique coordonnée. Si tu veux, qui passe par du langage. Je veux dire, la croissance négative, tu vois. Mais ils savent ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est pas des gags. Ils s'amusent pas. Développement durable. développement durable, commerce équitable. Ils savent ce qu'ils font. Et donc, pour, je réponds à ta question, pourquoi des ateliers de désintoxication? Parce qu'il est temps qu'on lance une contre-offensive, hein, si tu veux. Parce qu'en face, ils bossent, quoi. Hein, tu vois. Encore faut-il que quelqu'un le dise. Or, comme ce langage est totalement positif, tout le temps positif, il faut que quelqu'un arrive en disant « Attention, attention, vous êtes en train de vous faire avoir, on est en train de se faire avoir. » C'est très difficile, les syndicats par exemple sont très très très coincés avec la démarche qualité. Parce qu'il faut, il faudrait qu'ils attaquent un concept qui est celui de la qualité. Alors, tu vois, c'est difficile à faire. L'évaluation, comment tu peux être contre une évaluation? Sauf que c'est pas de l'évaluation, c'est du contrôle, c'est le contraire d'une évaluation. Mais encore faut-il le comprendre et le formaliser pour le refuser. Tu vois, syndicalement, comment tu refuses une évaluation? Mais il faut montrer que c'est pas une évaluation. Enfin, c'est compliqué, si tu veux. Parce que c'est Orwell, hein, c'est Orwell. Alors, il a tout inventé en 1945. Il a dit, si vous voulez transformer un pays en pays totalitaire, c'est très simple. Hein, pas la peine d'avoir des armées qui défilent dans les rues. Vous changez le vocabulaire, vous mettez que du vocabulaire positif, vous enlevez tout le vocabulaire négatif. C'est ça le gag dans 1984. Dans 1984, je sais pas si vous vous rappelez, le boulot du héros, c'est de supprimer les mots négatifs du vocabulaire. Et donc, il tombe sur le mot mauvais. Il dit, mauvais, ça sert à rien. Il y a mauvais, il y a bon. Et en fait, c'est con. On n'a pas besoin de mauvais, il suffit de mettre un bon. Et donc, il dit, à partir de maintenant, mauvais n'existe plus, il y a bon et un bon. Sauf que un bon, c'est pas pareil que mauvais. Et ben moi, j'ai un spectateur qui est venu me voir un jour, qui m'a dit, monsieur, je viens de me faire décruter. Il s'est pas fait licencier, il s'est pas fait virer, il s'est pas fait jeter, il s'est fait décruter. Recruter, décruter, ça va quoi. Et ben oui, mais sauf que ça paralyse l'action. C'est-à-dire que cette personne qui vient de se faire décruter, comment elle va gueuler? Donc le terrain du langage nous semble un terrain de bagarre très très important, mais... C'est... Donc un micro ouvert dans la maison de Dominique Vélande. Comme ça qu'on dit Vélande, journaliste, licencié, il n'y a pas tellement longtemps, au journal L'Avenir, avec Yves Rézières, c'est comme ça qu'on vous présente un peu dans les médias, là. Et vous avez reçu le prix du journalisme 2019 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Micro. Pour avoir... vous dites... Pour avoir publié 4 pages qui résumaient, je dirais, les conditions dans lesquelles l'avenir était à ce point malmené par son actionnaire. Et moi, j'ai envie de vous poser Est-ce que vous avez envie de faire une petite présentation de vous? Quelque chose à dire de particulier sur votre profession, sur qui vous êtes? Écoutez, j'ai travaillé pendant 31 ans. Comme journaliste, comme chef d'édition, enfin, j'ai occupé plusieurs fonctions au sein de cette entreprise, j'ai passé des années magnifiques. Disons que les 2-3 dernières années étaient plus douloureuses, mais ça, je suppose qu'on va y revenir. 30 ans, c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres. Mais c'est ça que ça veut dire, hein, parce que c'est pas mal, hein, parce que je vois votre terre. Quand je dis 30 ans, c'est énorme, c'est riche, quoi. Oui, très riche. C'est énormément de rencontres. Sur le plan humain, je trouve que j'ai eu une chance extraordinaire de traverser toutes ces années, mais rien qu'avec des choses positives, mais avec beaucoup de loyauté vis-à-vis de mon entreprise. Voilà, ça c'est important que je le souligne. Oui, et puis on a envie de dire, bah tiens, vous avez sûrement vu sur 30 années comme ça des choses évoluer, mais on va y revenir. Donc vous recevez le prix du journalisme 2019. vous trouvez, enfin c'est vraiment, ça vient comme ça, c'est spontané, vous ne trouvez pas ça un peu hypocrite de recevoir un prix d'une main, d'être licencié de l'autre, d'avoir eu des galères? C'est quoi ce jeu, j'ai envie de dire? Comment vous le vivez, quoi? Mais le premier sentiment que j'ai eu, c'est plutôt de l'amertume. Il m'a fallu quand même quelques temps pour digérer cette espèce de situation un peu surréaliste, puisque finalement, on nous reprochait certaines choses qui sont aujourd'hui récompensées. Donc c'est un petit peu... Ça relève un petit peu de l'injonction paradoxale. Mais comment vous expliquez ça, je trouve? Alors, ce sont des mécaniques différentes. Les personnes qui nous ont licenciés ne sont évidemment pas les mêmes personnes qui nous ont remis ce prix. C'est un jury composé de parlementaires et de journalistes. professionnels. Et ceux qui nous ont licenciés, mais ce sont des gens, je dirais, à la solde des actionnaires. Donc les logiques sont fatalement différentes et les motivations le sont aussi. Mais je trouve que ça caractérise bien le monde dans lequel on est. D'une main, on vous dit que le monde pollue, et de l'autre, on laisse. Il y a des lois qui le permettent. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est bien le monde dans lequel on est, quoi. Oui, pour autant que les personnes, ça soit les mêmes personnes qui sont à la manœuvre. Donc, ce n'est pas. Moi, je vois pas beaucoup de cohérence, mais c'est normal puisque ce sont des personnes différentes et donc avec des intérêts différents, voire divergents. La seule intersection qu'on peut identifier dans ce que vous venez de décrire, c'est le monde politique. Alors là, je suis un petit peu plus sévère par rapport au monde politique parce que le monde politique, au moment où on dénonçait une série de choses dans l'avenir, a fait preuve d'une inertie incroyable. Le monde liégeois était fasciné par Stéphane Moreau, qu'il considérait comme un capitaine d'industrie et qui allait, je dirais, promouvoir l'initiative publique dans le monde économique liégeois. Ils ont été fascinés, et pendant ce temps-là, ce petit monsieur Cupide, et il assurait non pas de l'emploi, peut-être sans doute, mais surtout son compte en banque et son pouvoir. Donc il y avait quelque chose d'abject dans tout ce qui s'est fait. Et aujourd'hui que les pièces du puzzle sont quasiment toutes sur la table, il y en a encore qui à mon avis, apparaîtront d'ici peu, mais on se rend compte que finalement, cet homme ne méritait pas, la latitude dont il a bénéficié pendant autant d'années. Et ce monde politique, ça, moi, je trouve qu'il y a eu comme ça une sorte de... presque de cécité, d'aveuglement par rapport à des problèmes qui étaient déjà sur la table. Je veux dire, la mauvaise gouvernance dont l'avenir faisait l'objet, elle était sur la table. On ne savait pas ce qui se passait chez Netis, mais on savait que ces gens qui avaient le pouvoir à l'avenir avaient développé plutôt un pouvoir de nuisance terrible. On ne savait plus faire de projets. Et alors, fatalement, depuis le scandale Publifin, alors c'est devenu épouvantable comme situation, quoi. Est-ce que vous pouvez expliquer, mais vraiment dans les grosses lignes, alors le déroulement, hein, puisque vous expliquez que vous êtes là au journal L'Avenir, hein, depuis 30 ans, est-ce que vous pouvez expliquer les grosses lignes de ce qui s'est passé ces dernières années, alors, avec qu'est-ce que c'est Publifin, qu'est-ce que c'est Netis, quoi. Mais allons à l'essentiel, hein, pour avancer, parce que moi, voilà. Alors, je ne vais pas remonter au déluge, à la création du journal, mais je vais prendre effectivement les dernières années. Donc, on a connu, moi j'ai bien connu trois types d'actionnaires. Il y avait l'actionnaire historique qui était l'évêché de Namur. Et puis ça a été revendu chez Corellio. Ça, c'est un organe de presse, enfin, c'est un groupe de presse flamand avec le Standard, la Senice et tout ça. Et puis Corellio, à un moment donné, pour, je dirais, consolider sa stratégie sur le territoire flamand, a revendu l'avenir à ce qui s'appelait à l'époque Tecteo, et qui était une intercommunale essentiellement dédicacée au gaz, à la fourniture, la distribution de gaz et d'électricité sur le territoire de Liège, qui était le résultat d'une fusion de toutes les petites intercommunales sur le territoire liégeois et qui était active dans le gaz et l'électricité. Alors, je me souviens qu'à l'époque, on se demandait un petit peu ce qu'on venait faire et quel était l'intérêt de l'actionnaire. En réalité, ce qu'on venait faire, c'est-à-dire vous, les journalistes ? Non, quel était l'intérêt de l'actionnaire d'acheter un groupe de presse alors qu'ils étaient, c'était pas leur domaine, c'était pas leur domaine de prédilection. Et puis, on nous a expliqué que cet intercommunal, Tecteo, avait aussi acheté vous, donc le câblot. Et donc l'idée était de faire, je dirais, un pôle telco. Alors à l'époque, on nous avait expliqué que l'idée était un peu de faire des TV où on mettait un peu du principe de breaking news, on mettait de l'info régionale sur l'écran de TV qui passait un peu comme les chaînes en ligne. Ça avait l'air de tenir la route, mais enfin, on ne demandait qu'à voir, quoi. Et puis, ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu de projet. Donc, c'était vraiment du pipeau, tout ça. Voilà. Et pourquoi du pipeau, alors ? C'était quoi derrière ça, alors ? Parce que je pense que ces personnes n'avaient aucune idée de la façon dont on pouvait développer une stratégie cohérente pour cela, et que en plus ils refusaient les idées qui venaient de l'avenir et qui avaient encore à cette époque-là une capacité de proposition, des solutions concrètes, etc. Je me souviens le rédacteur en chef de l'époque qui était très actif, etc. Disait bon ok, on va essayer. Ils ont proposé une série de solutions qui ont toutes été refusées systématiquement. Automatiquement par les actionnaires de Nethys et par Stéphane Moreau et Paul Ley, qui est le numéro 2, hein, c'est le CFO. Ils ont chaque fois refusé. Et puis, ça s'est gangrené pour deux raisons. Un, la première, c'est que l'idée d'un plan de restructuration a commencé à germer. Donc, ça nous a pas fait plaisir. Dominique, c'est parce que toi, tu es dedans, tu comprends, hein, mais. Je vais redire avec mes mots pour voir si on te suit bien. C'est-à-dire que il y a le journal L'Avenir, d'accord, qui bosse depuis 30 ans. Là, hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On parle de modernité parce que voilà, il faut se mettre à la page, il faut se mettre dans le courant du monde moderne. Et donc, on se dit que ceux qui gèrent ce journal, mais qui gèrent aussi d'autres journaux, c'est un gros. Tu vois, j'aimerais bien comprendre. Mais, oui. Donc, il faut se mettre à la page, à la modernité, du coup. Peut-être pour comprendre ça, ce qui se passe et ce qui se passait déjà à l'époque, c'est que la presse écrite a subi essentiellement des transformations liées au mode de production. Donc, ce sont essentiellement les imprimeries, l'informatique, etc., qui a évolué pendant, je dirais, entre 1950 et la fin du siècle dernier. Ce qui est confrontant depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années avec l'arrivée du web, c'est pas les modes de production qui changent, c'est le mode de consommation. Donc, les gens consomment de l'information différemment. Ils délaissent le journal papier au profit de d'informations digitales. Et il y a, je considère ça comme une erreur historique, c'est que le monde de la presse qui aurait dû être au fait de toutes ces transformations digitales a été vraiment à la traîne et a commencé à biberonner ses consommateurs, ses nouveaux consommateurs digitaux à la gratuité. Et là, je pense qu'on a vraiment commis une erreur historique, c'est d'imaginer que parce qu'elles étaient digitalisées, qu'elles étaient sur le web, ces informations pouvaient être gratuites. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un problème de monétisation de l'information qui a été gratuite pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, la personne qui veut s'informer ne considère plus utile de payer une information. Et ça, c'est vraiment dramatique parce que ça veut dire que les groupes de presse qui, eux, s'appuyaient sur un média papier payant, fatalement, ont des ressources qui diminuent et ne parviennent pas à dégager des ressources alternatives, genre la publicité, par exemple, qui est vampirisée par d'autres acteurs du digitaux, mais certainement pas leur petit site web. Donc, il y a un vrai problème de ressources. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de plan de restructuration. C'est ça qu'il s'agit, quoi. C'est de dire qu'il y a un souci dans la presse et que c'est la merde, ça va pas, donc il faut trouver une nouvelle manière de fonctionner. Il y a un souci d'équation économique. Ça, c'est depuis, ça fait 10 ans qu'il y a vraiment un problème d'équation économique, c'est-à-dire outre un groupe de presse peut-il trouver des ressources pour faire fonctionner, pour payer ses journalistes, pour faire fonctionner ses sites d'information. Et donc, les ressources sont rares, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le personnel, la première variable d'ajustement, on supprime du personnel avec la difficulté, mais comme c'est un peu du court-termisme, la difficulté que fatalement, la qualité de l'info s'en trouve compromise à un moment donné. Si on diminue de moitié une rédaction, la rédaction ne va pas produire autant d'informations que quand l'équipe était complète. Et ça, c'est valable dans tous les médias. Hein. C'est ça le problème de fond à la base, quoi. Parce que moi, j'ai lu que l'audience totale passe de 408 000 lecteurs. Moi, je n'ai pas fait des recherches, hein, j'ai lu ça. En 2005 et à 571 560 en 2015. L'audience de qui? L'audience totale, c'est dit comme ça, l'audience totale, j'imagine, de ceux qui lisent le journal L'Avenir. Ah, donc, oui, que... L'Avenir. Oui. C'est le CIM, quoi. C'est le CIM. Donc, c'est mesuré, l'audience. L'audience d'un média, de tous les médias, est mesurée. Alors, avant, c'était relativement simple, parce que l'audience... Donc, en fait, il y avait la diffusion payante, c'est-à-dire le nombre de journaux qui étaient vendus, hein, qui étaient achetés, et l'audience. Alors, l'audience, elle se calcule via des sondages. On demande aux gens, tiens, qu'est-ce que vous avez lu comme média, etc. Alors, ça, c'était un modèle qui fonctionnait et un institut qui était relativement fiable dans un monde où il n'y avait pas encore les acteurs digitaux. Avec les acteurs digitaux, ça, c'est vachement compliqué parce que les échantillons sont quand même assez réduits. Et donc, comme il y a beaucoup plus d'acteurs, la marge d'erreur dans ce genre de sondage est plus compliquée. Alors, le CIM a agrégé, je dirais, les consommateurs, les gens qui consomment de l'info digitale, l'a agrégé par marque. Donc, sont devenus des consommateurs de l'avenir, enfin des gens qui lisent l'avenir, autant les gens qui le lisent sur le site web que ceux qui achètent. Sinon que, bon, ça fait effectivement une audience qui est en croissance, mais l'argent qui vient en retour est en diminution. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que ceux qui payent, essentiellement, ce sont ceux qui achètent le papier. Ceux qui sont les rares abonnés au digital, d'abord ce sont des petits abonnements, hein, c'est 2-3 euros, c'est pas grand chose, donc ça fait pas des ressources énormes. Donc l'audience aujourd'hui n'est plus un critère pour en tout cas valider, pour mesurer l'équation économique d'un groupe de presse. Je ne sais pas si c'est clair. Ok, ben j'entends en tout cas, j'entends. Mais donc, la base, c'est que le journal L'Avenir a un souci, quoi, économique. Mais voilà, c'est ça. Oui, tous les médias ont un souci économique. Hein. C'est une crise énorme. Hein. Alors, c'est une crise mondiale. Hein. Je veux dire, il y a eu quelques petites exceptions. La question était de savoir si le meilleur modèle, c'était de supprimer définitivement, d'anticiper la fin du papier et de dire on devient ce qu'on appelle un pure player. Donc, c'est-à-dire uniquement un acteur qui est sur le digital. Et l'avantage, c'est que on diminue sérieusement les coûts. De production, puisqu'on ne doit plus acheter du papier, mais on diminue aussi les recettes. Et donc, il y a certains médias, notamment aux États-Unis, qui ont fait ça, etc. Mais ce sont des modèles qui sont très, très, très fragiles. Et donc, je dirais, la seule alternative, si je reviens au marché de la communauté française, la seule alternative, ce sont ce qu'on appelle des consolidations, c'est-à-dire des groupes qui fusionnent. La France a vécu ça dans la plupart de ses bassins, où maintenant, en France, il y a un média dominant par région. Hein. C'est la même chose en Belgique. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais en Belgique, par comparaison, on est encore beaucoup d'acteurs dans un petit marché. Je parle du marché francophone. Hein. On a encore plus d'acteurs que si on compare, par exemple, le plus gros bassin, je ne sais plus lequel, le plus gros bassin français est en situation monopolistique bien plus élevée que l'avenir, où on reste quand même. Là, pour le moment, il y a factuellement 3 groupes et 5 médias, 5 journaux qui ont encore une diffusion, le plus l'écho, ça fait 6 médias de presse écrite, ça fait quand même beaucoup, pour un petit marché comme ça. Donc des consolidations, elles sont inévitables. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet, parce que le temps passe et que j'aurais bien aimé, surtout que les gens comprennent alors, parce que ce qui se passe, c'est que vous êtes journaliste, dans ce journal L'Avenir, et que il y a le scandale Publifine Nethys, et que si je comprends bien, que les boss, en tout cas ceux, c'est de mélanger les affaires, hein, les hommes d'affaires et la politique, qui se retrouvent dans le conseil d'administration de ce journal où vous travaillez, et vous écrivez quand même tout ce qui se passe par rapport à cette affaire. Et donc là, commence un combat, quoi. Est-ce que vous pouvez le redire avec vos mots à vous ? Oui, bien sûr. Donc, Nethys rachète L'Avenir. il y a un, ça je l'ai déjà dit, il y a un climat délétère qui s'installe vite. Et puis il y a effectivement ce scandale qu'on a appelé le scandale Publifin, et qui est, oui, pardon. Donc Nétis rachète l'avenir, mais donc Nétis, c'est comme vous expliquez, c'est des hommes d'affaires, quoi. C'est pas du tout, voilà. Oui. Des hommes d'affaires qui ont, qui ont une stratégie apparente, mais derrière laquelle il y a que du pipeau, il y a que du vent. Et puis arrive fin 2016, donc ça date quand même déjà, c'est ce fameux scandale des comités de secteur dont tout le monde a parlé et qui, somme toute, avec le recul, peut sembler même un peu pelliculaire par rapport au scandale bien plus important qui se trouve derrière Nétis. Mais enfin, le comité de secteur, pour faire court, ce sont des comités qui réunissent une série de mandataires qui viennent ou qui ne viennent pas à ces réunions, surtout qui ne viennent pas, et qui reçoivent de l'argent sur leur compte. Et puis, effectivement, ça faisait à l'époque, les médias avaient calculé ce que ça faisait à la minute. Hein, c'était une belle métaphore parce que ça faisait quand même, ça faisait cher payer la minute, et surtout pour ceux qui ne viennent pas. Donc c'était, je dirais, ça renvoyait, bon, alors on n'avait pas de recul à l'époque, mais ça renvoyait. Oui. Mais avec des mots simples pour dire ça, donc c'est des gens qui sont payés, ouais, par le public, par les citoyens, pour mener des missions qui, ouais, n'existent pas. Alors, les missions, elles étaient mal définies, mais en gros, et ça, ben, je dirais que les comités de secteur ne faisaient pas exception, qu'il y avait un tas de mandats politiques, et je suis pas sûr que ça, on a complètement perdu cette habitude. En fait, on distribue des mandats rémunérés à des gens qui n'ont pas eu le mandat rémunéré auquel ils souhaitaient. Mais en gros, la mission de ces gens était très, très, très simple. On ne demandait pas qu'ils soient experts, mais on ne leur demandait même pas de venir à la réunion. Et donc, il y a un tas de gens qui recevaient tous les mois du pognon et des sommes conséquentes sur leur compte en banque et qui trouvaient ça normal. Et moi, j'ai une anecdote à ce sujet-là, parce que je me souviens avoir eu, au bout du fil, une présentatrice télé assez célèbre et qui avait fait carrière politique, qui était députée européenne. Et qui d'abord m'a dit, mais enfin, c'est normal, moi j'étais députée européenne, j'aurais pas su aller à ces réunions. Et j'ai dit, mais pourquoi vous acceptez le mandat? Et elle me dit, ouais, mais enfin, qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça, on n'a pas le choix, on doit le recevoir. C'est pas vrai. On a toujours le choix, on peut refuser un mandat rémunéré. Et puis après, elle s'est fâchée sur moi, elle me disait, je me souviens, elle me dit, mais enfin, si vous racontez ça, que vont penser les gens de ma famille et mes amis? Et je dois dire que c'était pas vraiment ma préoccupation. Moi, ce que je ne comprenais pas, c'est comment un mandataire pouvait accepter de recevoir de l'argent pour des prestations qu'il n'effectuait pas. C'était ça le scandale. Et je dois dire que le politique à ce moment-là, ouais, il s'émouvait pas énormément. Hein. C'était surtout les journalistes qui dénonçaient. Mais le monde politique, je crois que c'était un peu une pratique qui n'était pas propre au comité de secteur, et que, alors peut-être que c'était assez bon. En général, la pratique, je me suis renseigné par la suite, la pratique, c'était quand même, quand on ne venait pas aux réunions dans d'autres assemblées, ben, on n'est pas payé, on n'a pas de jeton de présence. Mais disons que Nétis avait, à l'époque, poussé le système au maximum. Et donc, moi, j'ai toujours dit que c'était acheter le silence du monde politique. C'était acheter ça. Oui, c'était vraiment acheter le silence. Et il se taisait d'autant plus qu'il ne venait pas aux réunions. Donc, moi, j'arrive pas. Enfin, oui. Donc, c'est acheter un petit groupe de gens pour mener à bien des missions, un objectif. Voilà, vous avez vos thunes. Maintenant, taisez-vous et on fait toute une stratégie pour. Ouais. Alors, mais c'est quoi cette stratégie? Oui, acheter le silence, je dirais acheter une forme d'impunité, parce que je ne pense pas que ces mandataires étaient fort informés. Bon, évidemment, ceux qui ne venaient pas, c'était effectivement assez normal, mais même ceux qui assistaient aux réunions, ça a toujours été une stratégie de pouvoir, de développer du pouvoir, qui était sans forme, sans contre-pouvoir. Et donc les mandataires publics, normalement, qui siégeaient là, c'était des formes de contre-pouvoir, c'était un contrôle, puisqu'on parle bien d'argent public, c'est un actionnariat, c'était la province de Liège Et les communes liégeoises, c'est l'argent du citoyen qui avait été investi dans une intercommunale. Et donc, ces mandataires étaient là pour veiller, je dirais, à la bonne gestion de cet argent. Je pense qu'ils auraient dû être un peu plus vigilants, réclamer davantage d'informations, parce que faut quand même rappeler que c'est un mandataire qui, le premier, a été le lanceur d'alerte. Hein, et qu'il lui a fallu, Cédric Alain, un échevin d'Aulne, il a voulu avoir des informations. Et il a dû faire presque des recours administratifs pour obtenir un minimum d'informations. L'information sur quoi ? Sur ces réunions ? Ce qui s'y disait, etc. Oui. Sa commune était actionnaire de Tecteo à l'époque. Et toutes les questions, il essuyait une fin de non-recevoir. On ne répondait pas à ces questions. Et il s'est acharné. Il a dit, c'est pas normal qu'on ne réponde pas à mes questions. Il voulait savoir finalement quelle était la stratégie, etc. Et personne ne lui répondait, quoi. Donc le personnel politique, là, à ce niveau-là, n'a pas fait son boulot de contrôle. Et donc, à terme, de contre-pouvoir, le cas échéant, quoi. Et voilà. Et donc, vous êtes journaliste à Vers l'avenir. Non, à l'avenir, parce que c'est pas la même chose. Vers l'avenir, ça regroupe. Ça regroupe 9 quotidiens régionaux. Oui, mais l'avenir, c'est le nouveau nom, enfin, nouveau qui n'est plus nouveau. C'était il y a quelques années. On a harmonisé, c'est un principe marketing, on a harmonisé les marques. Puisqu'il y avait des éditions régionales et qui portaient d'autres noms. Et dans le cadre d'une communication, une stratégie marketing, c'est toujours mieux d'avoir le même nom, d'utiliser le même nom. C'est pour ça que c'est devenu l'avenir. Allez, on continue alors. Donc, il y a le gros scandale Publifine Nétis. Et donc, ce Nétis qui rachète le journal L'Avenir. Il y avait déjà. Le journal était déjà... En 2014. Ouais. C'est en 2016 que ça... C'est fin 2016 que le scandale Publifin éclate. Voilà, et vous êtes journaliste au journal L'Avenir, et le journal L'Avenir est relié à Nétis, oui. Et il y a un scandale Nétis-Publifin qui explose. Oui. Mais c'est quoi l'enjeu quand vous travaillez dans le journal ? Il est simple, c'est... il y a un scandale qui éclate. Et donc, on se dit, il faut le traiter. Comme n'importe quelle autre histoire, on doit le traiter. Et j'avoue que à l'époque, je me suis dit, oui, ça va être difficile, ce sont nos actionnaires, parce que je savais déjà que le climat n'était pas facile avec eux, en termes de relations d'entreprise. Hein. Pourquoi, en quelques mots ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il s'asseyait vraiment sur toutes nos propositions on voulait avancer. Et eux, l'ancien directeur général, on ne lui répondait même plus, quoi. L'ancien rédacteur en chef, on ne lui répondait plus. Il envoyait des mails auxquels on ne donnait aucune réponse du côté de Nétis. Donc c'était silence radio. Donc c'était un peu... En interne, c'était vraiment compliqué. Donc on s'est dit, ce scandale, il faut le traiter. C'est la revanche pour vous aussi, non ? Non, vraiment pas la revanche. Non, c'est vraiment traiter le sujet comme un journaliste le ferait, avec l'inconfort qu'il s'agissait de nos actionnaires. Mais on ne s'est certainement pas vengé. Maintenant, je dois dire que l'équilibre, il est toujours très fragile. On a vécu avec des gens qui disaient l'avenir ne va pas traiter le sujet puisque sont leurs propres patrons. On avait dit non, il n'est pas question, on va traiter le sujet. Il y a des médias qui n'ont pas traité le sujet parce que il y avait des liens de subordination. Nous, on a décidé de le traiter et ma foi, on a décidé de travailler avec beaucoup d'énergie là-dessus. J'ai cru, à un moment donné, que le fait qu'il s'agissait de nos actionnaires allait nous permettre d'accéder à des informations peut-être que d'autres n'auraient pas. Et en réalité, c'était plutôt le contraire, puisqu'à un moment donné, c'était tellement difficile comme relation qu'il n'envoyait même plus, Nétis n'envoyait même plus les communiqués à la rédaction de L'Avenir. Il les envoyait à tout le monde, sauf à L'Avenir. Donc c'était assez piquant. Donc on devait avoir ces communiqués via des collègues d'autres médias à qui on avait dit ben voilà on est supprimé de la distribution des réactions. Or ces réactions étaient tellement rares que quand Netis communiquait on avait quand même le souci d'être informé. Ils refusaient toute demande d'interview. Il n'y avait pas moyen de les rencontrer. J'en ai rencontré un. Deux fois, il n'a jamais voulu accorder d'interview, il voulait juste donner sa version, il ne voulait pas que je l'enregistre, ce sont des paranoïaques. Et donc c'était vraiment compliqué. Mais cette double contrainte, donc c'est à la fois d'un dossier qui est compliqué, qui était extrêmement compliqué, parce que franchement, il y avait peu de gens qui maîtrisaient un peu toute la technique, d'autant que le groupe avait été... c'était des filiales... Le groupe ? Le groupe Netis avait créé des filiales partout. Ils ont commencé à acheter des journaux français. Ils ont investi dans l'éolien. Donc ça devenait vraiment un groupe difficile à comprendre et d'une opacité épouvantable. Donc ça, c'était la difficulté du dossier était déjà. Mais alors l'inconfort, c'était nos patrons. Et donc on a senti que ça ne plaisait vraiment pas, quoi. Et on a quand même bossé, on a sorti des sujets. Moi, je me rappelle notamment un ministre qui a finalement démissionné, Paul Furlan, parce que, ça c'est moi qui l'avais découvert, son chef de cabinet adjoint, donc le ministre, c'était le ministre de la tutelle, donc c'est lui qui devait contrôler ce qu'on appelle les pouvoirs locaux, donc les communes, les intercommunales, donc contrôler si c'était d'un point de vue légal, s'ils respectaient la légalité. Son chef de cabinet adjoint était administrateur de Netis. Donc ça veut dire que le contrôlé était le contrôleur, et vice-versa. Donc, et je me rappelle qu'un soir, je vais interviewer le ministre Furlan, et j'avais dit, mais enfin, lui, il me disait, c'est une opacité terrible. Je lui dis, mais demande à ton chef de cabinet adjoint. Il me dit, pourquoi ? Parce que, je dis, l'administrateur de Netis, il ne savait pas. Et alors... c'est une blague. Non. Je pense honnêtement que... Enfin, je l'ai vu quasiment tomber de sa chaise. Je crois qu'il ne le savait pas. Alors que l'information était relativement accessible. Mais il ne le savait pas parce que... il n'avait pas... Je me rappelle quand il a démissionné, parce que la pression était quand même un peu forte. Quand il a démissionné, il dit, est-ce que j'aurais dû le savoir ? Ben oui. Est-ce que je le savais ? Non. Est-ce que j'aurais pu le savoir ? Oui. Et donc, je présente ma démission. Et l'autre, son chef de cabinet adjoint, lui, avait été démissionné aussi, quoi. Donc, c'est c'est des gens que je connaissais et tout. Donc, la pression était quand même... c'était pas confortable. Voilà. Mais bon. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est une grosse... c'est une grosse machinerie... Comment dire ? Comment on pourrait résumer toute cette histoire, quoi ? Parce qu'après, il y a vous, journaliste, qui faites votre métier, qui continuez à donner l'information alors que c'est eux qui c'est vos boss, quoi. On peut dire ça comme ça. C'est vos boss. Je crois qu'on ne dispose pas d'encore assez de recul pour avoir vraiment une vision, je dirais, apaisée et rationnelle de la situation. Le groupe va être vendu, l'avenir va être vendu prochainement, dans quelques semaines. C'est une bonne chose. Mais par rapport à toute cette histoire, je crois qu'il y aurait moyen de faire un livre, mais honnêtement, il n'y a pas assez de recul. Il y a tous les jours des articles avec de nouvelles révélations, ces derniers mois, ces dernières semaines, des révélations qui montrent que depuis au moins 2 ans, les patrons de Netis organisent pas leur insolvabilité, au contraire, mais s'organisent parce qu'ils savent qu'il y aura un terme à leurs agissements et qu'à un moment donné, ça ne passera plus. Et donc, ils se sont vraiment organisés pour faire payer par Netis leurs avocats, pour avoir un salaire garanti. Donc, je veux dire, ça fait des années que ces gens, finalement, préparent leur sortie, quoi. à une période où personne n'imaginait qu'il le faisait. Donc je pense qu'on va encore découvrir des choses, oui. Mais que l'on arrête, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui me disait bah, « c'est quand même fascinant ce gars-là qui est quand même au niveau industriel, etc. » Quel gars tu parles ? Stéphane Moreau. Hein, cette fascination qu'exercent des gens qui ont énormément de pouvoir. J'ai jamais compris ça, mais bon, il y a des gens qui sont fascinés par les grands meurtriers et tout... Voilà, moi je dis que ce n'est pas un bon gestionnaire. Je veux dire, si je prends l'avenir, qui est un dossier que je connais un peu mieux, l'avenir, ils l'ont racheté 27 millions, ça va être vendu. Je ne vais pas lancer de chiffres parce qu'il est en vente pour l'instant, mais ça ne sera pas 27 millions, ça sera beaucoup, beaucoup moins. Alors, si on appelle ça un bon gestionnaire, je ne sais pas comment on définit un bon gestionnaire. C'est bizarre de parler comme ça. Moi, du coup, je m'y perds, tu sais, quand tu dis ça. Je dis, c'est pas toi qui l'as dit, c'est d'autres, mais... Je veux dire, il y a plein d'arnaques, de vols, de détournements d'argent. Il y a des dossiers au parquet de Liège pour abus de biens sociaux, il y a pour détournement. Comment ça se fait qu'on fait semblant de découvrir ça maintenant ? Je veux dire, c'est pas depuis. Qu'est-ce qui se passe dans l'air du temps comme ça pour que ça. Il y a des scandales comme ça qui... Je pense aussi à l'autre, là, au PS, à Bruxelles. Oui, c'est ça. Comment il s'appelait ? C'était le SAMU social, c'est Yvan Mayer. Voilà. Est-ce que ça n'a pas toujours... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a toujours existé, seulement là... Ce n'est qu'une explication, hein. Il y en a sûrement d'autres. Mais je pense que le monde politique a toujours été un peu embarrassé par les scandales et qu'il a fallu toujours une pression médiatique pour obliger le monde politique à statuer. Parce que chaque fois qu'il y a un scandale politique, ça accroît la distance entre le monde politique qui se sent mêlé à tout ça. Il y a quand même des mandataires honnêtes, hein, il faut quand même le dire, ils ne sont pas tous pourris, comme on le dit. Et chaque fois, l'opprobre, elle est généralisée. Moi, je comprends les gens, tu vois, qui n'ont pas le temps, qui entendent un scandale par-ci, un scandale par-là. Puis à Charleroi, c'était il y a quelques années aussi. Ils en ont marre. Hein. Moi, je comprends aussi cette logique, tu vois. Moi, je la comprends, mais je dis, qu'est-ce qu'on a comme alternative ? Qu'est-ce qui se passe quand la classe politique, je dirais, plus ou moins raisonnable et disqualifiée comme ça ? Mais les gens, puisqu'on est dans un système démocratique, les gens se réfugient vers des mouvements populistes. Et j'ai plus de crainte à l'égard de mouvements populistes populistes que des classes que des mandataires qui dont certains sont pris les doigts dans le pot de confiture mais pour le reste je pense quand même que c'est toujours préférable. Il suffit de regarder en Europe les pays où qui virent vers l'extrême droite etc. Je pense pas que ça soit une alternative souhaitable. Non mais c'est pas que ça l'alternative, hein. Il y a aussi le mouvement des gilets jaunes qui sont dans la rue, qui demandent d'avoir plus de pouvoir de décider. Et puis la démocratie, ça se discute hein, qu'on est en démocratie. Après, bon, voilà, il y a d'autres... L'idée, c'était de se dire, mais tiens, comment ça se fait que ça existe, ça ? Est-ce que tout le monde... J'ai l'impression que tout le monde se donne la main. Évidemment, il y a des gens qui font bien leur métier, on va dire ça comme ça, dans le milieu politique. Mais tout le monde se donne la main. Il suffit qu'il y en ait un qui veut pas faire comme les autres, et puis il fait tomber tous les autres. Mais oui, c'est un peu ça le problème, c'est cette disqualification générale auquel fatalement la presse participe, enfin sans le vouloir, mais les effets induits, c'est vrai. Maintenant, moi je pense que la classe politique aurait intérêt à se mobiliser et à vraiment se moraliser. Au sens vraiment noble du terme, parce qu'il y a un moment où ils ont cru que parler de bonne gouvernance suffisait à bien gouverner, mais ce n'est pas parce qu'on le professe, ce n'est pas parce qu'on édicte les principes de bonne gouvernance que la gouvernance s'est améliorée. Et donc là, je pense que le monde politique doit brosser sous son paillasson et se dire ben, comment on va essayer de faire mieux. Surtout, il faut des gens qui contrôlent, quoi, que ce ne soit pas comme ça, là, qu'on découvre après X temps... Mais pour continuer, dans votre histoire de journaliste, C'est aussi toute une rédaction qui prend position, hein, parce que j'ai lu qu'à un moment donné, à la dernière minute, vous vous mettez tous d'accord et hop, vous changez la première, comment on dit ça, la première page du journal L'Avenir, quoi. Et c'est signé, en gros, la rédaction. Donc vous prenez aussi tous position, c'est important de le dire, ça. Mais moi, je pense, c'est d'une façon générale, que c'est rare de gagner il est rare de gagner un combat seul. Ça peut arriver, mais dans le cas de figure qui nous occupe, je pense que c'est la force collective qui a permis, je dirais, de résister. Si ce n'avait été l'affaire que de l'un ou l'autre récalcitrant, on n'aurait pas obtenu les résultats. Donc, effectivement, nous, on a vraiment tablé sur l'aspect solidaire, collectif, et aussi vis-à-vis des lecteurs. Vis-à-vis desquels on estimait avoir un devoir de loyauté et donc d'expliquer, donc pas de ne pas censurer ce qui se passait à l'intérieur du journal. Parce qu'on était sur deux fronts, nous, hein. On était en interne avec des choix stratégiques, par exemple le format du journal. Nous, on n'était pas d'accord avec ce que Nettis voulait. Il voulait un journal riquiqui au niveau dimension, un peu comme un tabloïd. Et nous, on était persuadés que ça n'était pas une bonne solution. Et à la dernière minute, ils ont cédé, mais au terme d'un combat qu'on a dû mener. Donc ça, c'était un combat interne. Et puis en externe, on devait aussi suivre le dossier Publifin. Et donc je comprends que certaines personnes, à un moment donné, ne savaient plus d'où on parlait. Même nous, on a pu flotter parfois parce que on était tellement, je dirais, sur tous les fronts que ça en devenait un peu compliqué. Voilà, je ne sais plus. Oui, l'idée, c'était de parler de ce collectif, de se dire qu'on s'y met tous ensemble, quoi, voilà. Et d'expliquer aussi comment ça se fait que toi et ton collègue, alors vous êtes licenciés, pourquoi, comment, voilà. Mais je veux dire, il y a toujours des gens qui portent un peu plus les combats, hein. Ça, c'est dans toute société. Disons que la carte collective, moi, je dirais peut-être que c'est le seul enseignement positif que je retire. C'est vraiment de me dire que parce que des gens résistent ensemble, ils parviennent à devenir un contre-pouvoir, un levier suffisant pour modifier la décision. Et dans une époque où beaucoup de gens sont résignés, je trouve que c'est important de le souligner, que de se dire, allez, et tous les mouvements sociaux, ça a toujours, tous les mouvements sociaux qui ont abouti à quelque chose de souhaitable pour changer la société, ça a toujours été des mouvements collectifs. Alors, il y a de temps en temps des gens qui incarnent davantage le combat, par leur ténacité ou simplement par l'aura qu'ils dégagent. Ça, je dirais, je n'en sais rien, c'est difficile de parler à l'avenir de ça et de dire que parce qu'on a dit ça ou fait ça, on était plus suivi. Ça, j'aurais vraiment beaucoup de mal. On a été licencié parce qu'on faisait partie d'une liste noire, on en est certain, mais bon, voilà, officiellement, on a été licencié parce que notre fonction n'existait plus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est abracadabrant, ça ne tient pas la route. Parce que vous étiez dérangeant, surtout. Oui, ça ne tient pas la route, il n'y a personne qui y croit. Je trouve que c'est ignoble. Non pas ceux qui finalement ont pris la décision de nous mettre sur une liste noire. Parce que finalement, quand on est propriétaire d'un journal, qu'on croit acheter un journal et peut-être même qu'on a cru qu'on achetait la rédaction, c'est un peu contrariant de voir que cette rédaction ne suit pas, n'est pas le doigt sur la couture du pantalon. Donc je dirais c'est naturel. Par contre, ce qui me semble ignoble, ce sont des gens qui, mais alors là, nos managers, qui ont accepté de mentir, qui savaient que nous étions sur la liste noire et qui ont accepté de nous dire les yeux dans les yeux que notre fonction n'existe plus. Et pour l'anecdote, moi-même, les deux personnes qui m'ont signalé que ma fonction n'existait plus étaient tellement bien informées de ce que je faisais qu'ils sont trompés et qu'ils ont dit ta fonction, et c'était celle que j'occupais par le passé, 2 ans plus tôt. Donc c'était vraiment, voilà, la question, on était ciblés, puis c'est tout. Et je pense qu'on n'était pas les seuls, mais il y a eu un plan de départ volontaire. Il y a une série de gens qui sont partis pour X ou Y raison, parce qu'ils trouvaient que l'atmosphère devenait irrespirable. Elle ne l'est toujours pas, d'ailleurs, ça ne s'est pas amélioré. Mais disons que nous, voilà, Yves et moi, et un troisième, hein, Cédric, qui est un infographiste, voilà, on s'est fait licencier sèchement. Les têtes brûlées, là, un peu. Alors, moi, j'ai pas, je ne me définis pas comme une tête brûlée. Alors, c'est rare quand les têtes brûlées, c'est toujours les gens, quand ils parlent de quelqu'un d'autre. Moi, je ne me définis pas, je suis plutôt quelqu'un de diplomate qui recherche le consensus, etc. Maintenant, si être tête brûlée, c'est savoir dire non à quelque chose qui n'est pas, alors, bah, je veux bien accepter être tête brûlée, Bah mais aujourd'hui, Dominique, c'est peut-être ça aussi, dans le monde dans lequel on est, c'est de dire non, c'est être brûlé, c'est dire ça, c'est ouais, dire. mais moi, la tête brûlée, c'était plutôt. Je ne la voyais pas. Pour moi, c'était quelque chose un peu. C'est quelqu'un qui parle un peu dans tous les sens et qui est un peu excité du bocal et qui ne réfléchit pas beaucoup. Je ne me définis pas comme quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup avant d'agir. Au contraire, j'essaye d'analyser. Et pendant 30 ans, moi, j'ai toujours essayé d'avoir une vision pondérée de ce que je traitais. Donc, tête brûlée, ça me semble un peu antinomique par rapport à la façon dont je me perçois. Mais disons que je veux bien l'admettre bon, voilà, si on change la définition. Oui, mais c'est ça, tête brûlée. C'est vrai qu'il faudrait regarder ce que ça veut dire exactement. Mais tête brûlée, c'est quelqu'un qui a pas peur, qui fonce. Non. C'est toi, c'est pas toi alors? Parce que la définition que tu donnes, évidemment, c'est pas celle-là. C'est pas quelqu'un qui réfléchit pas, qui fait n'importe quoi. La tête brûlée, c'est plutôt quelqu'un qui va et qui n'a pas peur et qui prend Alors, position. pas peur, effectivement, là, effectivement, depuis le début, j'ai agi sans avoir l'impression d'avoir peur. Mais j'avais peur quand même, parce que le lendemain de mon licenciement, je me suis rendu compte que la peur avait disparu. Je n'avais plus de raison d'avoir peur. Donc ça, c'était, mais c'était inconscient. Donc je ne considérais pas que j'avais peur, parce que je considérais qu'on faisait son métier et que on travaillait, je dirais, pour le bien de l'entreprise, de ses lecteurs. Et donc moi, j'étais persuadé que, alors c'est pas une question d'être intouchable, c'est une question d'être protégé. Dans sa démarche journalistique. Se dire, moi, je ne suis pas acheté, je dépends pas d'un parti, mon président de parti ne m'a pas dit que je devais me taire, je suis libre et j'ai même un devoir d'informer. Et donc, cette liberté combinée au devoir, ben, elle donne des responsabilités. Et donc, ben, voilà, moi, effectivement, j'ai tenu bon, mais au regard de responsabilité, pas d'agressivité ou pas de contentieux ou pas de revanche à prendre. Non, c'est une responsabilité de devoir informer, en ce compris sur nos propriétaires de l'époque. Ah oui, tu t'attendais vraiment pas à être licencié, quoi. Tu croyais que tu étais intouchable, Alors, vu ton expérience, tes années, etc. J'aime pas le mot intouchable parce qu'il a des consonances un peu péjoratives. Je me sentais protégé, mais protégé par mon statut, comme n'importe quel autre journaliste qui, en Belgique, travaille. Bon, moi, je veux bien être exposé à des erreurs, mais on n'a pas été. Sinon, il pouvait déposer. Il y a quand même des organes de déontologie. Il pouvait déposer plainte par rapport à des articles, etc. Mais je crois que ce qu'on a écrit était juste, était correct. Maintenant, que ça ait dérangé des gens, les propriétaires, bah oui, c'est normal. Ça a dérangé ton capitaine d'entreprise. Ça a dérangé le capitaine d'entreprise qui ne concevait pas qu'un journal dont il était le propriétaire puisse se faire l'écho de ses exactions. C'est tout simplement, voilà. Mais alors, quoi, t'es licencié, t'es sur le cul alors. Tu t'attendais vraiment pas à ça. Et j'avais aussi envie de. Et tiens, le syndicat des journalistes, l'AFP, je crois, on dit. L'AJP. Oui. C'est pas l'AFP. Oui, l'AJP. L'AJP. Quoi? Ben, t'as fait appel. Qu'est-ce qu'ils disaient? Comment ils t'ont Mais non, défendu? d'abord, pour la première question, j'étais fort abattu. J'imaginais pas, vraiment, j'ai jamais pensé. Et à vrai dire, quand on parlait de liste noire, je faisais partie de ceux qui mettaient en doute ça. Parce que, faute d'informations, il y a beaucoup de conjectures. Et moi, j'avais vraiment du mal à imaginer que quelqu'un mette sur papier, même si j'avais quand même des infos qui me disaient, fais gaffe quand même, hein, mais je n'avais pas le sentiment que cette liste noire allait en tout cas être actionnée. Je savais qu'on était, ça j'avais vraiment de l'info de première main, sur le fait qu'on était traqué. Traqué dans le sens pisté. Donc il y avait des gens chez Netis qui prenaient tout, en ce compris ce qu'on postait sur les réseaux sociaux, etc. On savait qu'il y avait une personne qui a été licenciée depuis d'ailleurs, qui collationnait tout ce qu'on écrivait, etc., sur l'affaire, etc. Donc il y avait une revue de presse qui était dédicacée. Aux auteurs, quoi. C'était de voir. Donc, partant de ça, ben, il était possible qu'il y ait un hit-parade des journalistes qui avaient écrit des papiers sur Netis. Mais honnêtement, non, je ne m'attendais pas. Et donc, j'ai vraiment été très, très abattu, très triste, parce que ben, c'était un. Je me sentais loyal vis-à-vis de l'entreprise, et l'entreprise ne l'a pas été. Et aujourd'hui encore, j'en conçois beaucoup d'amertume, parce que c'est quand même, à 56 ans, bah on me prive de mon boulot, alors que je n'ai pas commis de faute, quoi. De la colère ? Non, non, je pense que ça aurait été plus salutaire pour moi d'avoir de la colère, mais je ne suis pas quelqu'un qui a accès facilement à la colère. Donc c'est plus de la tristesse que de la colère. Ouais. Et alors, les journalistes qui t'ont défendu, l'association des journalistes ? Oui. Ben, la JP, ben, c'est des gens très chouettes. On a été fort soutenus, et encore aujourd'hui, on n'est pas oublié. Je veux dire, ils n'ont pas fait le poids avec le capital d'entreprise. Ben, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais je pense qu'à un moment donné, c'était dans le cadre d'un plan de restructuration avec toute façon des départs qui étaient là. Et donc là, il n'y avait plus vraiment de levier. Et puis bon, bah, c'était un peu la bisbrouille avec les syndicats et tout. Et donc, en fait, le patron, qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a navigué entre tout ça pour arriver à ses fins. Ça, mais je pense qu'il était difficile de faire levier contre la décision de nous licencier. Je pense que ça aurait été vraiment difficile. Alors qu'objectivement, donc il fallait un nombre minimum de départs volontaires. Ces départs volontaires, ils en avaient suffisamment pour ne pas devoir licencier sèchement. Puis à un moment donné, le directeur a dit « Oui, mais il nous faut nous garder une marge, c'est quand même d'un cynisme absolu, une marge de licenciement. » Donc de gens qui n'auraient pas choisi de partir volontairement et qu'il fallait licencier. Ça, j'ai jamais entendu une expression, une marge de licenciement. Mais enfin, on n'est pas à ça près. Et puis, bon, bah, après, voilà, on a su que nous étions dans la marge. Mais donc, on ne peut pas se défendre. Il reste 5 minutes. On ne peut pas se défendre comme ça quand vous faites votre boulot, vous êtes journaliste, vous dites des choses que votre patron n'a pas envie d'entendre ou de voir, mais vous faites votre boulot, vous continuez, et à un moment donné, de toute façon, c'est lui qui gagne, quoi. Il n'y a pas moyen de se défendre contre ça. Mais non, non, non. Je crois qu'il faut accepter, je veux dire, il y a beaucoup d'injustices dans la société, et celle-ci en fait partie. Il y a des injustices contre lesquelles on ne sait malheureusement rien faire. On s'est dénoncé, ce que je suis en train de faire, on s'est dénoncé, et je ne suis pas heureusement le seul à le dénoncer. J'ai des collègues qui ont été vraiment meurtris, des amis, ma famille. Voilà, on ne sait pas rendre justice sur tout. Il y a la justice qui fonctionne, mais... Ne parlez pas de justice, cher monsieur, la justice qui fonctionne. Non, mais qui fonctionne, je ne l'ai pas qualifié, qui essaye de fonctionner, peut-être pas assez au goût de tout le monde, mais pour le reste, non, on était sans recours possible. Il reste juste la dignité et le souci de retrouver un boulot. Je sais bien que dans la presse écrite, ça ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce que le marché est trop petit et que ce sont des raisons économiques. Un groupe de presse préfère maintenant engager 2 petits jeunes plutôt qu'un senior. Donc, surtout emmerdant. Qui plus est avec une étiquette, effectivement, un peu encombrante. C'est pas gagné, hein. Donc vous êtes au chômage. Oui, je suis au chômage, oui, tout à fait, ouais, je suis au chômage. Et si jamais on pouvait reculer en arrière, vous referiez ce que vous avez fait à petite minute pour prendre conscience? Mais là, on n'est qu'au début, en même temps, c'est pas longtemps que tout ça s'est passé. Alors, ça fait pas longtemps, et en même temps, ça fait quand même depuis 2014 hein, qu'on est, que c'est... Non, mais que toi, tu es licencié. Alors, oui, non, je le referai parce que c'est ce que j'ai dit au vendredi à la radio, à la RTB. Je dis, moi, je peux me regarder dans la glace. J'ai gardé ma dignité, j'ai perdu mon emploi, mais j'ai gardé ma dignité. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je préférerais toujours la dignité à un boulot. Voilà, je me sens digne, j'ai fait mon boulot correctement. Et donc, je ne dois pas porter un problème de conscience par rapport à ça. Toujours comment dire, vous faire du bien en regardant votre prix. Alors, je suis pas un collectionneur de prix. Je sais pas où le mettrai, où je le mettrai. Il est pour le moment dans mon living. À mon avis, il va prendre la poussière, mais je ne l'admire pas tous les soirs avant de. Et puis, les circonstances sont telles que c'est difficile de l'apprécier avec vraiment, de le savourer. Ça, c'est pas possible pour moi. Moi, je trouve, enfin, on revient au tout début, la première question que je vous posais, c'est vraiment ce monde, moi, je le trouve complètement fou, quoi. D'une main, on vous vire parce que vous donnez le réel de ce qui, enfin, de ce qui se passe, même si c'est le patron à avoir dedans. Voilà, vous faites votre job, quoi. Et de l'autre main, voilà, enfin, on vous vire pour ça, et de l'autre main, on vous dit, c'est bien, gars. Enfin, c'est. Alors, oui. Moi, vous n'auriez pas envie de refuser ce prix, justement? Alors, effectivement, au début, quand je l'ai appris, j'ai dit, moi, j'irai jamais chercher le prix, parce Est-ce que ça n'aurait pas fait plus de bruit? Est-ce que ça aurait été pas plus honnête aussi de dire, mais moi, j'accepte pas ce prix? Alors, mon collègue, lui, il disait, il faut y aller et faire passer un message. Et il m'a convaincu que finalement, il valait mieux, plutôt que de faire la chaise vide, c'était plus porteur et c'était plus efficace que de lui faire un message. Et ce message, je ne me suis pas privé de l'adresser au monde politique qui était là devant le Parlement. Et je leur ai dit, bah, vous nous avez laissé bien seuls au début. Maintenant, vous avez l'air de vous agiter un petit peu. Mais à une période, certains d'entre vous disaient qu'on faisait du netige bashing, etc. Non, vous ne nous avez pas soutenus. Voilà, et je l'ai dit. Alors, comprenne qui pourra, et je ne suis pas sûr que le monde politique qui a vraiment, ça a basculé quelque chose, ça a fait basculer quelque chose. Mais au moins, je l'ai dit, et je me sens plus à l'aise avec ce que j'ai dit que plutôt que si je m'étais tu. Voilà. Voilà, c'est la fin. Qu'est-ce que vous voyez d'essentiel que vous n'avez pas dites, que vous aimeriez là dire? J'ai pas posé de questions là-dessus. Voilà, je vous laisse le micro vraiment pour si jamais. C'était un peu une rencontre autour du journalisme. Moi, j'ai quand même quelques inquiétudes et aussi, pardon, quelques espoirs. C'est que finalement, il y a encore des journalistes courageux demain. Ce qui me semble être le cas, potentiellement, qui est la liberté de la presse. Elle est fondamentale, qu'on a toujours l'impression que dans un pays tel que le nôtre, il n'y a aucun souci, c'est pas vrai. Et je suis là pour en témoigner. Ce n'est pas anecdotique. Aujourd'hui, la dépendance financière des médias privés est telle que les contraintes éditoriales sont plus importantes. Et donc, moi, mon vœu, c'est que le monde politique se préoccupe vraiment de cette liberté et qu'elle la consacre ou qu'elle la reconsacre comme un principe et pas comme une condition. Une condition contraignante. On ne conditionne pas la liberté, on la consacre. Ça, c'est important. Sinon, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, la presse ne sera plus qu'un outil de divertissement. Et finalement, on ne posera plus la question de la liberté de la presse, parce qu'elle sera libre, puisqu'on proposera du divertissement. Et ça, y a un combat à mener là-dessus. Ça, c'est peut-être à l'adresse des plus jeunes journalistes, qui devront, assurer les prochaines années. Voilà. Merci Dominique Vélande de cet entretien et bonne chance pour la suite, hein. Merci.